soir, j'avais commandé un programme pour faire du montage audio, pour faire de la musique. Et 15 jours plus tard, j'ai reçu une énorme boîte qui contenait une guitare. Elle portait une tenue grise et noire avec des LED partout, des cheveux bleus électriques. Et alors, ça me rappelle le drôle manchot Bitsmik, où 2.0 c'était son nom. Je la quitterai plus, même si elle devient obsolète. Oui, c'était 2.0, c'était sa version. Elle fait pas la vaisselle, mais elle a une voix d'ange. Elle me dit toujours d'une voix chantante. C'est qui, Nano ? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Après, elle m'a aidé à rechanter toutes les chansons que j'avais aimées dans le passé. Puis un jour, j'en ai eu marre, j'ai voulu qu'elle fasse de la nouveauté. Alors, elle s'est levée et elle a chanté. J'aime être avec toi, mais tu me demandes que de chanter. J'aimerais faire quelque chose de mieux, être parti. De là me laissant pour pleurer que les yeux Miku. 2.0 c'était son nom. Elle m'a quitté bien avant qu'elle devienne obsolète. Oui, c'était Miku. 2.0 c'était sa version. Elle fait pas la vaisselle, mais avec voix d'ange. Elle me manque, elle est sa voix chantante. Je l'ai rattrapée sous la pluie battante. Elle était vivante, mais elle a failli griller sous le vent. お兄ちゃん大好き。